France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de la semaine, par ce rendez-vous de Continent Science, de la semaine donc, qui ouvre la série Culture Science, toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, les exoplanètes. Mais au préalable, nous regarderons bien sûr aussi les infraplanètes, les nôtres, celles du système solaire, et tout ça en compagnie de François Rotten, qui est physicien et qui vient de Lausanne, où il a enseigné à l'université, et qui est un des auteurs absolument recommandables pour la vulgarisation, la popularisation des sciences. Je dirais dans plus de détails d'ailleurs ses ouvrages précédents à celui qui forme notre objet aujourd'hui, et qui s'intitule « La fascination des ailleurs, deux points, chasseurs de planètes ». Donc ça va être les exoplanètes. Mais, pour ne pas rompre avec notre habitude, tout de suite la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens une limace de mer. Une limace récemment découverte par la biologiste Rolanda Lange, scientifique de l'université allemande de Tübingen, et cela lors d'une expédition au large de Lizard Island en Australie. Son nom à cette limace de mer, Cyphopteron quadrispinosum. Spinosum évidemment pour anguille dans cette désignation binomiale. C'est une limace hermaphrodite, et à la pratique sexuelle très singulière, comme on va le voir. L'univers des gastéropodes, en général, recèle des pratiques sexuelles pour le moins inattendues. Et les limaces de mer ne dérogent pas à la règle. Il y a quelque temps, nous avions déjà parlé de l'existence d'un étrange spécimen hermaphrodite. En effet, cette limace, qui s'appelle elle, Chromodis reticulata, c'est son nom donc, fait usage d'un pénis jetable. On peut désormais ajouter la violente, entre guillemets, trépanation simultanée à la liste de ces étranges tendances. Selon les recherches menées par la dite Rolanda Lange, les limaces de mer, les Cyphopteron, poignardent, entre guillemets, littéralement leurs compagnons, et cela dans la tête lors de leur accouplement. Ce mollusque, qui mesure à peine 3 mm de long, son corps est blanc et entouré de pétales translucides bordés de rouge et de jaune vif, il est très beau. Et chaque individu est hermaphrodite donc, bien sûr, doté d'organes génitaux, à la fois mâles et à la fois femelles. Malgré cette particularité, les spécimens ne peuvent s'auto-féconder, ils doivent donc procéder obligatoirement à l'accouplement pour assurer leur descendance. L'organe mâle qui intervient dans ces ébats est constitué de deux expansions. La première, qualifiée de bulbe du pénis, pénètre l'orifice femelle du partenaire pour y transférer le sperme. L'autre est une longue et en forme d'aiguille, un long appendice, pourrait-on dire. Et cet appendice est dénommé stylet du pénis, bien sûr. Tel un dard, il transperce le partenaire jusqu'à la tête pour y injecter cette fois des hormones sexuelles. Ainsi, au cours d'un rapport, chacune des deux limaces bénéficie non seulement de la dose de sperme habituelle, mais également d'une injection d'hormones qui a lieu juste au-dessus des yeux. Cette pratique, qui peut durer plus de 40 minutes, est connue sous le nom d'insémination traumatique, bien sûr. Mais ça n'est pas la première fois que les chercheurs l'observent dans le règne animal. En effet, la technique a déjà été décrite chez les punaises de lit, chez une espèce d'araignée, chez des vers aussi, et même chez d'autres gastéropodes, des escargots. Toutefois, le site d'injection au niveau de la tête et au-dessus des yeux est particulièrement singulier. Le comportement d'insémination traumatique est bien documenté, mais il n'est pas encore très bien compris. À l'heure actuelle, les chercheurs pensent que le dard implanté permet d'améliorer le succès de reproduction, cela soit en augmentant la fécondation du propre sperme, soit en inhibant la fécondation des autres partenaires. Quant au site d'insémination, la tête donc, Rolanda Lange pense qu'il s'agit d'une stratégie visant tout simplement à manipuler le système nerveux de chacun des partenaires. Bonjour François Rotten, bienvenue. Mais bienvenue et surtout merci de m'avoir invité. Mais non, bien sûr que non, c'est tout un plaisir même, puisque ça fait longtemps que je vous lis et que j'avais envie de vous rencontrer, de vous faire évidemment rencontrer nos auditeurs. Alors, j'ai parlé de vos ouvrages tout à l'heure. Celui d'aujourd'hui qui nous intéresse sur les exoplanètes a été précédé d'un livre sur les paradoxes quantiques. Tiens. Vous êtes intéressé encore à une des merveilles du monde, mais tout à fait contre-intuitive dans tous ces développements avec des objets singuliers. Puis aussi un autre livre qui s'intitule lui « La face cachée de la Lune, les sciences et leurs coïncidences ». Et après tout, on pourrait peut-être trouver prétexte dans un des exemples, puisque vous le mobilisez à nouveau, mais plus succinctement, dans ce dernier ouvrage sur les exoplanètes, on pourrait commencer par ça, après tout, tiens. Pourquoi est-ce que on regarde toujours la Lune dans les yeux, mais toujours du même côté ? On la regarde toujours du même côté parce que elle est victime, pourrait-on dire, d'une coïncidence. Ou du moins, attention, il y a deux sortes de coïncidences possibles. Oui. Il y a les coïncidences qui sont dues au hasard seul et les coïncidences qui n'en sont pas vraiment, parce qu'elle résulte d'une suite de causes à effet. Alors, dans le cas de la Lune, que se passe-t-il ? Eh bien, elle tourne sur elle-même, dans le même temps exactement, qu'elle prend pour faire une révolution autour de la Terre. Alors, elle considère, elle nous regarde toujours avec sa face, la face que nous connaissons, elle... La face cachée, elle nous tourne le dos constamment. Alors, je prétends ici, je ne suis certainement pas le seul, il y a longtemps qu'on le sait, que cette coïncidence n'en est pas une, elle résulte du fait que l'action de la Terre sur la Lune et vice-versa ont produit un ralentissement, une modification de la durée de rotation de la Lune sur elle-même et en comparaison de la durée d'une révolution. Et finalement, quand les deux durées sont devenues égales, eh bien le système est resté stable, il est resté crochet. Oui, c'est ça. Il y a une espèce d'harmonie là qui s'est faite, ou un équilibre. Alors on peut, juste pour finir cet exemple, mais on est en pleine mécanique céleste et ça va pas nous quitter, même si on parle évidemment d'autres aspects des objets qui sont dans notre univers. Le système solaire est extra-système solaire. En tout cas, il faut rappeler qu'il y a un effet de marée tout à fait surprenant, c'est que bien sûr, la Lune a cette capacité, du fait du champ gravitationnel, de faire un petit bourrelet sur notre planète, un petit bourrelet qui non seulement forme les marées, qui se déplacent avec ces deux bosses symétriquement opposées, mais aussi la plaque des continents. Et la chose est très étonnante de ce point de vue. Ça se tient là, d'une manière terrible. Alors justement, cette existence des marées, cette modification de la forme de la Terre, même si elle est très faible, cette modification a pour effet que la Lune exerce une force sur la Terre qui lui a permis d'adapter les deux temps de révolution et de rotation. Et une fois que ces deux temps ont été fixés, eh bien, les forces disparaissent. Et si par hasard, la Lune avait envie de continuer à se séparer du point de vue des deux durées, eh bien, ça ne marcherait pas parce que les forces la ramèneraient dans la position qu'elle occupe actuellement. Retenons simplement qu'il y a un léger ralentissement des périodes diurnes qui concernent la Terre et qui, là encore, sont liées à sa compagne, la Lune, qui peut-être un jour lui a été arrachée dans un grand fracas. Mais venons-en à nos exoplanètes, et puis d'abord aussi à quelques devanciers. Ceux-là, on va les appeler des chercheurs d'infraplanètes. Hein. Je ne sais pas si ça se dit, je me suis dit que j'allais les appeler les infraplanètes, celles qui sont dans le système solaire. Et petite question préalable, avant qu'on aborde la chose, est-ce que vous avez eu plusieurs motifs de contentement, un certain mois d'octobre 1995, pour une double raison. D'abord parce que vous êtes passionné de science et évidemment passionné d'astronomie, et puis parce que aussi, voilà deux Helvètes qui d'un seul coup ont fait une chose qui évidemment va marquer définitivement l'histoire des sciences et la compréhension de notre grande visite permanente et de notre curiosité vis-à-vis de l'univers. François Rotten, est-ce que vous avez été heureux? Alors, j'ai été extrêmement heureux et j'ai appris ceci par la presse d'abord. J'ai appris que on avait découvert la première planète extrasolaire. Autrement dit, la première planète en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Et j'ai été évidemment aussi heureux de savoir que c'était deux Helvètes, l'un d'eux étant un ami personnel, Michel Mayor, qui était le chef d'équipe de cette équipe à deux. Mais c'est, il faut quand même le dire, c'est Didier Queloz, l'élève, qui le premier a observé les effets de la rotation de la révolution de l'exoplanète autour de son étoile. Une étoile très bizarre. Et d'ailleurs, il vous a mis là encore sur orbite, d'une certaine façon, votre ami Michel Mayor, puisqu'il préface l'ouvrage et que, grosso modo, sa préface, c'est « Allez hop, qui sont ces découvreurs de planètes, quelles qu'elles soient, infra ou exo ?» Et donc, il y a une espèce de grande tonicité dans cette préface. Passons. En tout cas, venons à quelques points d'histoire, on peut peut-être commencer brièvement, mais à dire, et la chose est assez étonnante, mais comme vous le faites, et d'ailleurs j'en profite pour dire que chacune de vos notes, et c'est une des grandes qualités de votre écriture, est toujours pleine d'informations, très intelligemment distribuées au fur et à mesure de la lecture, plus les encadrer. Mais vos notes sont toujours très éclairantes, ce sont des rappels en plus quand on a oublié. Bref, celui que vous mettez en premier parmi ces chercheurs de planètes, c'est Copernic. Copernic, c'est un grand homme et quelquefois on oublie ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a repris une idée qui existait déjà dans l'Antiquité, en particulier Aristarque de Samos, un grec de l'époque hellénistique, avait émis l'hypothèse que la Terre tournait autour du Soleil, mais il n'avait pas vraiment d'arguments. Les seuls arguments qu'il avait, c'était des mesures qui se faisaient à son époque et qui concernaient le diamètre du Soleil et le diamètre de la Terre. C'était déjà assez remarquable d'avoir déterminé que le diamètre du Soleil était nettement supérieur à celui de la Terre. Bien sûr. Alors, il a utilisé la voie de la hiérarchie pour mettre le Soleil au milieu et la Terre tournant autour. Mais avec cette argumentation, il n'allait pas très loin. Tandis que Copernic, ce qu'il a fait, c'est de partir de toutes les informations numériques qui avaient été accumulées dans l'Antiquité, et qui concernait le mouvement non seulement du Soleil, le mouvement apparemment du Soleil, de la Lune et de toutes les planètes que l'on connaissait alors, autrement dit Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et il a démontré qu'il était beaucoup plus simple d'expliquer les phénomènes complexes que l'on observait en faisant l'hypothèse que le Soleil était immobile et que les planètes, dont la Terre, ce qui était évidemment le plus surprenant, tournaient autour du Soleil. Par conséquent, Copernic est le découvreur d'une planète, la Terre, pourrait-on dire. C'est ça. ce qui était vraiment évidemment étonnant quand on passe du géocentrisme et que on se met sur une position héliocentrique cette fois, eh bien on invente la Terre d'une certaine manière, ou on la découvre d'une certaine façon là encore. Alors parmi les autres découvreurs, il y en a un que vous aimez bien sa sœur aussi semble-t-il, c'est Herschel, on sait qu'il est d'origine allemande, hein. C'est quelqu'un qui jouait du hautbois, il jouait du hautbois d'ailleurs dans une je ne sais pas comment on dit, un groupe musical, militaire, hein, c'était un oboïste, et puis après des événements historiques, des guerres, bon, il se retrouve en Angleterre, il a sa sœur près de lui qui calcule bien et qui écoute ses relevés, et puis je vous laisse expliquer comment il a découvert une certaine Uranus, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Il a découvert Uranus, alors il ne cherchait pas du tout de planète, à cette époque-là, personne n'avait l'idée qu'il pouvait exister d'autres planètes que celles que l'on connaissait depuis l'Antiquité. Alors, ce qu'il a fait, il a entrepris une recherche de tous les systèmes possibles d'étoiles doubles. C'était sa quête, oui. Oui, les étoiles doubles étant d'une part deux étoiles extrêmement proches quand elles sont vues depuis la Terre, autrement dit, elles sont pratiquement sur la même ligne de visée. Et puis, il y a les véritables étoiles doubles, c'est-à-dire celles qui sont en révolution l'une autour de l'autre. Alors, il faisait un inventaire et, en passant, il a découvert un petit disque verdâtre. Il faut bien se rappeler que n'importe quelle étoile vue de la Terre, surtout à l'époque de Herschel, qui possédait les meilleurs télescopes possibles, qu'il avait construit lui-même, mais que les étoiles, c'était des points lumineux. Avec ce que l'optique complique encore, l'image n'est pas celle d'un point, mais c'est oui, quelque chose d'un sûr. Peu compliqué. Avec quelques hiatus en particulier. Il a été étonné de la présence de ce disque et il a regardé ce disque quelques jours plus tard pour s'apercevoir qu'il s'était déplacé. Alors il croit que c'est une comète au début. Il croit que c'est une comète parce que les comètes c'était quand même quelque chose qu'on connaissait bien, qui se produisait assez fréquemment, tandis que les nouvelles planètes ça n'existait pas. Et il a donc annoncé l'existence d'une comète. Et pour distinguer entre les deux, bon, il y a évidemment le fait que la comète présente une chevelure, une queue, etc. Bien tandis sûr. Que Uranus, qui ne s'appelait pas encore ainsi, n'en possédait pas. Mais surtout, ce qui distingue une comète d'une planète, c'est que la planète a une orbite qui est pratiquement circulaire, tandis que la comète a une orbite qui peut être extrêmement allongée. Oui, une très longue ellipse, très longue ellipse, très allongée plutôt. Oui. Alors, on a fini par se rendre compte qu'il s'agissait bien d'une planète. Uranus, alors qu'elle a manqué s'appeler à un moment l'astre Géorgie, en hommage à Georges III, qui était le roi de l'époque. Petit rappel, hein, c'est une géante glacée, avec des quelques particularismes. Sa révolution est de 84 ans, dont une saison fait 21 ans. Tout ça, je le retrouve évidemment dans les indications de votre livre. Et c'est là encore une grande découverte, et on en abordera une autre. France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. Suite donc de ce rendez-vous, toujours en compagnie de François Rotten, toujours en train de parler des infraplanètes, je crois qu'on pourrait peut-être rapidement finir sur ces devanciers par cet exemple, d'abord parce qu'il va mettre des personnages très antipathiques en présence, on pourra le rappeler évidemment rapidement. Le premier, il est français, c'est Le Verrier, très méchant, insupportable. D'ailleurs, vous faites nom de la main, Le Verrier. Le Verrier était considéré par ses subordonnés comme totalement insupportable. Oui. Vous avez entièrement raison. Bien sûr. Mais c'était un personnage qui avait un talent si extraordinaire qu'on a de la peine à le considérer ainsi. Et surtout, il était dur à l'égard de ceux qui ne travaillait pas selon son idée quand il est devenu directeur de l'Observatoire de Paris. Mais d'autre part, il savait, quand il avait devant lui un véritable astronome, il savait lui rendre hommage comme n'importe quel autre. Je vous contredirais sur un point, parce que avec Foucault, l'inventeur donc du pendule, il ne s'est pas comporté de façon extrêmement sympathique, alors que Foucault a trouvé une technique extraordinaire pour le polissage, en particulier des verres de télescope. Et donc là, il ne lui a pas du tout rendu justice. Mais passons, parce qu'il y avait un autre caractériel aussi, mais cette fois il était à Greenwich, et c'était M. Fry. Et qu'il a, là, lui, subordonné et maltraité un Anglais, je vous laisse dire son nom, qui va être pratiquement un co-découvreur. C'est John Adams. Voilà. John Adams est presque, au point de vue caractériel, presque l'opposé de Urbain Le Verrier. John timide. Adams était un personnage absolument timide qui a le premier... Ce qu'il faut préciser, c'est que ces deux messieurs, Le Verrier et Adams, étaient des mathématiciens. Et que, à la suite de l'observation qu'ont faite de nombreux astronomes que Uranus ne suivait pas exactement la route qu'il aurait dû suivre, on s'est douté que ça pouvait être dû à l'existence d'une planète inconnue. Alors, les deux personnages qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient jamais entendu parler l'un de l'autre, se sont mis à essayer de déterminer la position de la planète inconnue, en espérant, fixant la position de la planète inconnue, il suffirait à ce moment-là de dire à un collègue astronome « Regarde dans telle et telle direction ». Et tu vas trouver la planète. Alors ce qu'il vit. Et donc, en tout cas, c'est un astrophysicien, enfin un astronome de l'époque, allemand lui, et qui a pointé le télescope au bon endroit et a trouvé la chose. Il est le premier à l'avoir fait, et il a découvert la future planète Neptune en une heure ou deux. Oui. Alors que aucun Français et aucun Anglais n'avait accepté de regarder dans la direction indiquée, soit par Le Verrier, soit par Adams. Mais comme vous racontez en tout cas cet épisode historique, avec son fond évidemment scientifique, François Rotten, et aussi l'importance des différentes personnalités, je trouve que c'est un cas de figure extraordinaire, parce que voilà que par la seule puissance du calcul, on va dire, eh bien elle est là, on aurait pu se tromper, et il suffit de regarder au bon endroit, c'est un autre qui le fait. Les deux calculateurs sont Le Verrier et Adams, et l'autre est l'observateur, et pof, il regarde au bon endroit et il voit la chose. Et division des tâches d'une certaine manière. Division des tâches, mais il faut dire que l'Allemand, il a dirigé sa lunette dans la direction que lui indiquait Le Verrier, parce que Le Verrier a absolument voulu que l'on fasse justice à ses calculs. Adam, c'était trop timide, trop replié sur lui-même pour le faire. Alors, je vous propose maintenant de prendre un petit peu le panorama de notre système, puisqu'on va en sortir, le dit système solaire, la Voie lactée, qui est inclus dans la Voie lactée. Et cette Voie lactée, c'est 30 milliards d'étoiles. Environ. C'est un nombre incroyable. Astronomique, voilà. Le terme bien choisi. Évidemment, à partir de maintenant, on va avoir cette double question, c'est-à-dire, existe-t-il d'autres planètes qui, comme dans le système solaire, le Soleil avec son cortège de ses... le cortège de ses 8 planètes, pourrait se trouver dans des mondes qui sont extra-système solaire, exo-système solaire, et de quelle nature? Et avec cette question, si ces planètes existent, tournant autour d'une étoile, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce sont des mondes habités? Alors, vous avez dans votre ouvrage, on n'a pas le temps d'y revenir, mais un petit catalogue de tous ceux qui ont anticipé et cru même à l'existence d'autres mondes, la pluralité des mondes et la pluralité des mondes possiblement habités. Même dans l'Antiquité, et ça même a commencé, dans l'Antiquité, bien sûr. En général, on dit Épicure, mais ça a même commencé avant. En tout cas, Camille Flammarion l'espérait, et y croyait beaucoup. Et au fond, quand le XXe siècle est arrivé, l'astronomie était prête à admettre qu'il existait d'autres mondes. Mais en ce qui concerne les mondes habités, c'est une question d'une puissance extraordinaire. Et pour l'instant, elle n'a pas été tranchée. Elle ne le sera pas avant un certain temps. Oui, et puis ça, c'est les questions que vous abordez, mais à la fin, donc on y reviendra en conclusion, c'est qu'est-ce que veut dire habitabilité, que veulent dire un certain nombre de concepts que nous verrons. En tout cas, j'emprunte donc à votre ouvrage, mais vous empruntez la chose à votre ami Michel Mayor, qui fait cette estimation concernant donc les 230 milliards d'étoiles accompagnées d'un cortège planétaire possible dans notre système. Et aujourd'hui, on en est... je pense, rectifier là encore le nom, le chiffre s'il n'est pas bon, mais de 2000 exoplanètes découvertes, et des exoplanètes de très très différentes natures, dont certaines sont possiblement capables de d'exhiber une atmosphère qui serait une des conditions pour être, en tout cas, le berceau de l'émergence d'une forme de vie. C'est gigantesque. 2000 depuis, on va voir la date, hein, mais depuis de la publication... 1995. Ouais, depuis 1995. Du côté, vous avez le chic pour vos petits intertitres entre les chapitres. Et là, vous parlez d'un petit gâteau du côté de Manosque. Ah oui, à Manosque. Parce que la découverte a été faite à l'Observatoire de Haute-Provence. Et ce qui est remarquable, c'est que cette Observatoire de Haute-Provence n'est pas situé en altitude. Actuellement, on parle beaucoup des observatoires qui se trouvent dans les Andes, au Chili, bien par sûr. Exemple. C'est tandis que l'Observatoire de Haute-Provence, il se trouve à 650 mètres d'altitude. Ce qui, pour un observatoire qui chercherait à faire de nouvelles découvertes, est assez inattendu. Mais ce que Mayor et Queloz, les deux découvreurs de la première exoplanète, ont fait, c'est qu'ils se sont associés avec, en particulier, un Marseillais pour construire un appareillage absolument remarquable. Et c'est cet appareillage qui leur a permis de détecter la première planète exoceur. Élodie, et qui a une sœur aussi, puisque je pense qu'on avait installé le même, spectrographe du côté d'Hawaï, où d'ailleurs Mayor s'était rendu. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous partagez la chose suivante? Vous allez me corriger, vous me dites que je suis en train de dire des bêtises, très bien. Mais est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que ces moyens d'observation sont le signe d'une augmentation considérable des pouvoirs d'observation qu'a l'astrophysique maintenant? Parce que très longtemps, on s'est contenté simplement du visible, c'est-à-dire de la petite fenêtre dans le spectre électromagnétique de ce qu'on appelle la lumière visible, mais que maintenant, il y a une radio, il y a bien évidemment une astrophysique qui se concentre sur les rayons gamma, qui se concentre sur les infrarouges, ainsi de suite. Et donc, on fait cette espèce d'épaisseur d'informations qui augmentent ce qu'on voyait dans le visible. Est-ce qu'on peut considérer que cet appareil, là, Elodie, il s'appelle bien comme ça, je ne me suis pas trompé, bon, est dans cette gamme d'instruments qui ont aidé? Exactement. Ce spectrographe avait pour but de détecter un mouvement de l'étoile autour de laquelle la planète hypothétique pouvait se trouver. C'est ça qui est important. À une distance pareille, la première exoplanète est en orbite autour d'une étoile, la première dans l'histoire est en orbite autour d'une étoile qui se trouve à 51 années-lumière. Ce qui signifie que même si cette étoile est à peu près de la même taille que le Soleil, elle est un tout petit peu plus grosse, eh bien... la planète qui pourrait se trouver en orbite autour d'elle est strictement invisible depuis la Terre. La distance est trop grande, c'est extrêmement simple. Alors comment fait-on ? L'idée qui est apparue déjà dans la première moitié du XXe siècle, c'est que pour mettre en évidence une éventuelle exoplanète, il fallait détecter un mouvement de l'étoile. Parce que l'idée qu'on se fait quand on parle, et d'ailleurs je l'ai fait tout à l'heure, on dit le telle et telle planète est en orbite autour du Soleil. C'est pas tout à fait correct. Les deux, imaginons un système solaire avec le Soleil et une seule planète. Jupiter. On l'a dit ensemble, tiens. Alors, Jupiter et le Soleil sont en révolution autour d'un point qui est le centre de gravité de ces deux corps célestes. Mais comme le Soleil est énormément plus lourd que Jupiter, ça signifie que ce point, il est pratiquement à la surface du Soleil, ce centre de gravité. Autrement dit, pendant que Jupiter accomplit une révolution qui dure à peu près 12 ans, le Soleil accomplit une révolution qui dure exactement 12 ans aussi, mais autour d'un point qui est tout proche de sa surface. Autrement dit, l'amplitude du mouvement est très faible. Alors, à l'époque où on a découvert la première exoplanète, le seul moyen de le faire, c'était de détecter ce mouvement de l'étoile. Et comment le faire ? Eh bien, vous l'avez dit, l'étoile émet tout un spectre de lumière, c'est-à-dire que la lumière qu'elle émet, on peut la décomposer avec un prisme, et on s'aperçoit, quand on observe ceci avec une étoile, c'est que ce spectre est coupé de raies noires bien localisées sur le spectre. Elles sont très utiles parce que dès que l'étoile se met en mouvement, eh bien, il y a déplacement de ces raies noires. Vous dites que c'est le code-barre, d'une certaine manière, des éléments, c'est-à-dire soit atomes, soit molécules, qui composent en particulier le gaz qui peut entourer une planète. En tout cas, pour nous arrêter à ce point, l'idée qu'il faut retenir, c'est que, par un indice indirect, comme si, d'une certaine manière, on regardait la Terre et la Lune, on pourrait... Mettons-nous dans l'hypothèse où on ne voit pas la Lune, se dire, tiens, il se passe des choses bizarres sur la planète Terre, il doit y avoir quelque chose qui, d'un seul coup, modifie quelque chose dans sa rotation sur elle-même, notre bonne Terre. Et c'est à peu près sur, grosso modo, sur cette image-là qu'on peut s'appuyer, n'est-ce pas, c'est indirectement, bien indirectement, que la menée heuristique va nous faire voir ces choses invisibles. Exactement. Et depuis lors, on a développé d'autres techniques pour mettre en évidence des planètes extrasolaires. Et ben voilà, sur cette musique proposée par Danny Journaud, qui a été écrite par Alan Silvestri, nous étions dans le Space-Time Odyssey. L'espace-temps, ben oui, on peut plus rien regarder aujourd'hui si on ne considère pas que nous sommes, selon une ligne d'univers, dans un espace quadridimensionnel d'espace-temps, avec des horloges qui battent différemment. Passons. En tout cas, suite donc de ce rendez-vous de Continent Science, dont le mi-temps est largement passé, toujours en compagnie de François Rotten, et en particulier autour, si je puis dire, de son dernier ouvrage sur les exoplanètes. Alors, c'est très exactement le 6 octobre 1995, et la chose s'est faite à Florence. Pas d'abord par une impression et un article, que votre ami qui préface votre ouvrage, François Rotten, Michel Mayor, dit que ils ont découvert quelque chose d'étonnant et qui s'appelle 51 PEG B en bas de casse, en minuscule, et que donc cette étoile porte un compagnon avec elle, et que nous sommes dans la constellation de Pégase. Donc un petit mot, parce que c'est toujours très très ésotérique, ces dénominations PEG. Bon, c'est l'étoile numéro 51 dans la constellation de Pégase, et on est dans une attitude d'élision sur le A qu'on devrait lui mettre. C'est pour ça que le petit B en bas de casse, en minuscule, désigne donc cet objet. Le petit B, c'est vraiment la planète, l'exoplanète, la première. C'est la première, et s'il y en a d'autres, ils porteront le bas de casse C ou D, etc. Et c'est déjà arrivé. Pour la même étoile. Pour la même étoile. Alors, est-ce qu'on peut commencer à venir sur la méthode, cette fois, d'observation? Est-ce qu'on peut, en quelque sorte, commencer à parler de ce qu'on appelle la méthode d'observation par les vitesses radiales? Alors, les vitesses radiales, j'ai mentionné tout à l'heure l'existence de raies obscures sur le spectre. Alors, Didier Queloz, qui est le premier à avoir vraiment... il travaillait avec Michel Mayor, mais enfin, il est le premier à avoir jeté son regard sur le déplacement de ces raies noires. Alors, ces raies noires, elles se déplacent sur le spectre, toutes d'une certaine quantité, et puis elles reviennent en arrière, elles exécutent une sorte d'oscillation, et cette oscillation, et c'est là que la première surprise est apparue, cette oscillation était de 4,2 jours. Or, que signifie cette oscillation des raies noires? Elle est exactement, en ce qui concerne sa durée, elle est exactement due à la révolution de l'étoile autour du centre de gravité, entre l'étoile et la planète. Autrement dit, la planète elle-même effectue une révolution en 4,2 jours. Les ordres de grandeur ne pouvait pas être calculé, disons, dans les premières heures de la découverte, qui a eu lieu d'ailleurs en 1994. Elle a été annoncée en octobre 95, oui. Mais elle a été faite à la fin de l'année 94. Alors, ce qui a surpris les deux personnages qui travaillaient de concert, c'est que apparemment, cette planète pouvait avoir la dimension de Jupiter, en tout cas en ordre de grandeur. L'étoile avait à peu près la dimension du Soleil, en ordre de grandeur. Alors, la différence, elle est criante. Jupiter boucle une révolution autour du Soleil en 12 ans, et cette... supposée planète, cette hypothétique planète extrasolaire, eh bien, elle l'aurait fait en 4,2 jours. Pardon, oui, deux jours. Oui, c'est oui. ça qui est important. Donc beaucoup Alors, plus court. Beaucoup plus court, ça signifie que... Elle est beaucoup plus près. Elle est beaucoup, beaucoup plus près. Elle est tout près. Elle est même tellement près de son étoile qu'elle doit être à une température très élevée. Alors que Jupiter se trouve tellement loin du Soleil que la température y est très faible, très basse. Le résultat, c'est que quand vous êtes en train de faire une découverte, vous vous dites « Bon, mais j'ai bien réglé mon appareillage, je vois bien une oscillation qui est conforme à ce que j'attends, mais elle est tellement courte, qu'est-ce qui se passe ?» Surtout que on avait jusqu'alors un seul modèle de système solaire, c'était précisément le système solaire. Par conséquent, ce système solaire... Il se construisait d'après l'histoire qu'on a réécrite du système solaire. On s'est aperçu que toutes les planètes rocheuses, c'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont proches du Soleil, tandis que toutes les planètes qui se trouvent plus loin que Mars, eh bien, au contraire, sont des planètes gazeuses, des géantes gazeuses, comme on les appelle. Avec un petit centre tellurique, bien évidemment, rocheux, mais très très petit, par rapport à la dimension totale du rayon planétaire de chacune de ces planètes gazeuses. Exactement. Alors, ma foi, on avait réécrit l'histoire en imaginant ce qui s'était passé à partir de... Les systèmes solaires, pense-t-on, se forment à partir d'un nuage de gaz et à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, il y a contraction de ce nuage qui forme une étoile et puis il y a toute une... interaction entre les parties du nuage qui n'entrent pas dans la formation de l'étoile, qui finissent par faire des planètes. Il faut dire que à ce gaz se mêlent aussi des poussières, des toutes sortes d'ingrédients qui permettent de fabriquer des planètes rocheuses, sans quoi nous n'en parlerions pas maintenant. Et tout ceci... était complètement démoli par la première planète qu'on observe et qui se trouve à une distance aussi faible de son étoile. Je vous propose de faire une petite incise rapide pour rappeler la vie d'une planète, sa formation d'une étoile et de se mettre tout de suite dans le cas d'une étoile qui deviendra une supernova, donc une grosse étoile. Hein. Au départ, il y a ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'effondrement sur elle-même où il y a la pression interne de cette étoile et la force gravitationnelle. La force gravitationnelle va gagner. Bien sûr, à un moment, il y aura explosion, ça a été repéré, il y a beaucoup d'exemples de supernovas, les invités hein, qui d'un seul coup apparaissent dans le ciel et qui durent, et puis ensuite, dans le destin d'une étoile, il va y avoir une concentration, après cet enflammement, une concentration de plus en plus serrée sous la force gravitationnelle de cette matière, et là, on tombe sur des objets célestes qui sont de très petite taille, mais qui... rencontre 500 000 tonnes au centimètre carré, les étoiles à neutrons, par exemple. C'est effectivement le destin d'une étoile. Ça dépend de sa masse au départ. C'est ça. Mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'elle commence à s'effondrer sur elle-même, oui. Sa température augmente, et sa température devient telle au centre de l'étoile qu'il y a fusion de l'hydrogène qui se transforme en hélium. C'est un processus assez complexe, oui, en plusieurs on étapes. Va pas rentrer dans le détail. Et puis ensuite, quand le combustible hydrogène a disparu, ou disons est trop peu présent, il est remplacé par le combustible hélium, on a fabrication du carbone, sans lequel nous n'existerions pas non plus. Oui. Et parce que c'est ainsi que les matériaux plus lourds que l'hydrogène et l'hélium sont fabriqués dans l'univers. Bref. Et finalement, après bien des étapes, et comme vous l'avez dit, après une explosion absolument épouvantable, une supernova, il reste une étoile de la masse un peu supérieure à celle de... Enfin, c'est valable seulement pour celles qui ont au départ une masse suffisante. Mais il reste une sorte de noyau, mais absolument gigantesque, parce que le noyau atomique, on peut imaginer, il est beaucoup, beaucoup plus petit que l'atome lui-même. Eh bien, il est formé de neutrons, en particulier, et ces neutrons forment une boule, dans le cas, après l'explosion, forment une boule qui a à peu près 20 kilomètres de diamètre. De diamètre, c'est une espèce de noyau géant, puisque formé exclusivement de neutrons chargés, et donc c'est de neutrons non chargés, pardon, et que c'est la chose est curieuse. Il y a peut-être un ingrédient dont on pourrait dire deux mots, c'est qu'il y a une sorte de précession particulière où on peut peut-être indiquer, on a parlé de cette espèce de code-barre, de cette variation de lumière, et bien sûr, ça joue sur l'effet Doppler, puisque dans le cas d'un éloignement vers le rouge, on sait qu'il y a éloignement, et quand ça va vers le bleu, on sait qu'au contraire, il y a rapprochement. Donc il faut tenir compte de ce paramètre-là, il est dans cette manière aussi de détecter, bien sûr, ces oscillations dont vous parliez auparavant, François Roten. Alors, dans le cas du pulsar, c'est-à-dire l'étoile formée de neutrons, ce nom de pulsar lui vient du fait que, au moment où on l'a observé pour la première fois, on a constaté qu'on avait une espèce d'objet qu'on n'arrivait pas à définir, mais qui pulsait extrêmement rapidement, c'est-à-dire ça pouvait durer une seconde. On avait une oscillation de sa luminosité pouvant s'exprimer sous forme d'ondes radio, différentes ondes, mais on avait des bips, bip, bip, bip, bip, et chaque bip durait à peu près une seconde. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui a surpris le monde, et au tout début, les deux découvreurs, eh bien, ils ont pensé qu'ils avaient affaire à une civilisation extraterrestre. Oui, ils l'ont appelé la première de ces étoiles qu'on a découvertes, le premier de ces pulsars, ils l'ont appelé Little Green Man. Oui, je voudrais que, puisque en plus vous êtes très sensible à ça, on s'en rend compte à vous lire, François Roten, vous avez dit les deux prix Nobel qui ont découvert, il faudrait peut-être ajouter un troisième compagnon qui est une compagne dans la circonstance, hein. Parce que même si on a donné le prix Nobel par deux fois à Marie Curie, là, souvent, il y a des obligeances, hein, sinon des oublis absolument scandaleux. On pourrait penser aussi à la co-découvreuse du virus du sida, ou la sœur de Herschel, ou d'autres qui se sont épuisées aux côtés de leurs frères ou autres. Bref, les femmes sont quand même souvent maltraitées. On peut parler aussi des mathématiciennes, hein. On pourrait donner des noms, et Minotaire, ainsi de suite. Bon. Et là, dans cette course au pulsar, puisque c'est les années 80, hein, eh bien, cette dame, je vous laisse dire son nom. C'est Jocelyn Bell. Je l'aimais beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que, effectivement, c'est non seulement on lui a volé le prix Nobel, et c'est difficile de savoir qui lui a volé le prix Nobel. Simplement, elle le méritait. Elle a été la première à déceler ce scintillement qui était tout à fait bizarre, ces bip, bip, bip dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, elle a été la première à le distinguer. Et puis, elle était en train d'effectuer une thèse avec son directeur de thèse, Anthony Jewish, et elle lui a signalé la chose, mais Anthony Jewish ne voulait guère y croire. Il pensait qu'il s'agissait d'un signal terrestre. Alors, elle a démontré qu'il ne s'agissait pas d'un signal terrestre, parce que simplement, il suivait exactement les règles des étoiles bien élevées qui se lèvent à l'est et puis qui disparaissent à l'ouest. Et malgré tout, on a fini par donner le prix Nobel uniquement à son patron. Lequel patron le méritait quand même, parce que c'est lui qui a initié les recherches qui ont donné lieu à cette découverte. Mais enfin, c'est pas admissible ce comportement. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que, alors que cette injustice a été dénoncée par un grand nombre d'astronomes, et qui est peut-être dû au comité de Stockholm, on n'en sait rien. En tout cas, moi, je ne sais pas. Les voix de Stockholm sont... vous connaissez la suite. Eh bien, elle n'a jamais protesté. Elle a toujours souligné l'importance des recherches faites par son patron, qui a reçu le prix Nobel, et elle ne s'est jamais posée en victime. Et ça, c'est pas mal. Mais malheureusement, c'est peut-être ce qui fait qu'une femme est défavorisée dans la course aux honneurs et à d'autres choses. Certes. En tout cas, revenons à notre 51 Peg B. Je trouve que c'est symbolique que Maillère annonce la chose à Florence. On peut remarquer quand même, c'est la ville de Galilée, c'est un découvreur, lui, de satellites de planètes, hein, important. Et puis, on peut peut-être redonner donc les considérations de cette planète. Grosso modo, elle est quoi, cette planète qui accompagne? Est-ce qu'on a appris beaucoup plus de choses maintenant? Toujours la première. On sait qu'elle a à peu près la moitié de la masse de Jupiter. Donc ça commence à être une grosse planète. C'est une très grosse planète. Elle est gazeuse et puisqu'elle est si près de son étoile, eh bien, elle est très chaude. Alors, elle a donné. Il se trouve que par la suite, parce que immédiatement la découverte de 51 Peg B a excité toute la communauté des astronomes qui se sont mis à chercher des planètes extrasolaires et qui en ont trouvé en quantité, puisque en 20 ans, on l'a dit, il y a à peu près 2000 qui ont été découvertes et encore un certain nombre qui attendent d'être identifiés, d'être vérifiés. Parce que quelquefois, il peut s'agir d'une instabilité du télescope qu'on prend pour une oscillation, etc. On peut imaginer toutes sortes de canulars. Ce qui était, oui, ça c'est canular, mais pris au sens des astrophysiciens, des erreurs de mesures qui viennent de dysfonctionnement de l'appareil. D'ailleurs, c'est arrivé assez souvent que le béton bouge dessous quand un appareil est fixé, ainsi de suite. Alors, petite remarque là encore, ce livre est d'une grande richesse. On pourrait continuer à rentrer dans plus de physique et dans plus de détails, mais on peut peut-être aussi, je m'arrête à des considérations que vous avez. D'abord, vous dites que effectivement, il y a toujours une dimension de hasard dans les découvertes. Mais il y a le hasard, il faut quand même en limiter sa dimension. Il y a évidemment ce qu'on peut appeler la sérendipité, ou la sérendipité en français, c'est-à-dire le cas, un des cas d'une certaine façon canonique, c'est la découverte de Fleming concernant donc les antibiotiques et la pénicilline. Mais s'il n'avait pas eu le regard préparé, que ce soit pas un spécialiste des bactéries, il n'aurait rien vu, et des champignons. Donc là, vous dites un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut être préparé, quoi. Il faut être préparé, et puis surtout, il faut éviter d'avoir des préjugés. Et c'est ce qui a permis à Maillore et Collot de battre deux équipes qui préexistaient à leur travail. Et ces deux équipes, c'était une équipe américaine et une équipe canadienne. Ces deux équipes étaient persuadées que la première planète qu'on allait découvrir ferait comme Jupiter, c'est-à-dire qu'elle serait en révolution autour de son étoile, à peu près en 10 ans. Oui. Alors, ils ont accumulé les observations, Mais ils n'ont pas dépouillé tout de suite leur résultat, le résultat des observations. Tandis que le système utilisé par Major et Collot consistait justement à dépouiller à mesure et de s'apercevoir immédiatement qu'ils avaient une oscillation de 4,2 jours, même si ce n'était pas prévu dans le schéma qu'on se faisait des exoplanètes. Alors il nous reste, François Rantaine, quelques deux minutes un peu plus. Et vous terminez votre livre par le chapitre 21 qui s'intitule « Le principe copernicien et la vie » où vous posez la question de « D'où venons-nous ?» Là se pose la question de est-ce qu'on va rencontrer une quelconque civilisation qui serait comme la nôtre, ou sommes-nous uniques ? Et au préalable, l'apparition de la vie, alors certains disent que oui, nous sommes convaincus qu'une civilisation comme la nôtre ne peut pas être unique et que les conditions sont requises vu le nombre de candidats possibles. Et puis ceux qui disent aussi que l'apparition de la vie est la règle sur une planète habitable. Et ça, c'est rejoindre le principe darwinien, donc, de la naissance d'une espèce intelligente, qui est un événement, mais c'est peut-être pas singulier, qu'il a peut-être plusieurs points où il a pu émerger. Deux mots sur cette conclusion. Alors, deux mots sur cette conclusion. Moi, je dirais que je suis entièrement d'accord. Il me paraît assez... bien que je n'ai pas d'argument, mais j'ai le sentiment que l'apparition de la vie n'est pas un phénomène extraordinaire, mais que c'est un phénomène possible sur d'autres mondes, en tout cas des mondes qui présentent des conditions suffisantes pour l'apparition de la vie. Carbone, mais il y a oxygène. Encore, voilà, mais il y a beaucoup de, beaucoup de conditions. Mais il y a un point qui est très important. Combien de temps une civilisation intelligente peut-elle durer ? Combien de temps met-elle pour s'autodétruire ? Alors ça, on peut se poser la question, et moi je suis un peu pessimiste. De nouveau, je n'ai pas d'argument, puisqu'on n'a pas d'exemple, mais je suis assez pessimiste, et ça expliquerait pourquoi la vie d'une civilisation intelligente, ou les effets d'une civilisation intelligente, à la vitesse avec laquelle nous prospérons, entre guillemets, oui, est telle que on peut s'imaginer qu'on pourra, dans un certain nombre de siècles, passer sur d'autres systèmes solaires. Et nous voilà partis pour une autre odyssée, hein, comme la musique de tout à l'heure, mais là, on va tout laisser dans l'expectative. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup, François Rantaine, d'être venu à ce micro, sous le prétexte donc de la publication de votre dernier ouvrage qui s'appelle « La fascination des ailleurs », bien sûr, 2 points, chasseur de planètes, avec une préface de Michel Mayer. C'est un livre qui est édité aux presses polytechniques et universitaires romandes. C'était Continent Science. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. À la technique aujourd'hui, Clément Daté, pour la documentation Thierry Beauchamp, à la réalisation d'Annie Journaud. Continent Science est balado diffusé, comme vous le savez, donc si vous voulez réécouter cette émission, selon votre totale liberté, vous vous reportez au site internet franceculture.fr. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales.